Allez, c'est l'heure de retrouver Franck Ferrand aujourd'hui dans l'Histoire. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Alors vous avez eu évidemment la bonne idée de nous raconter ce matin une belle histoire, c'est celle du Salon de l'Agriculture. Mais oui, un salon international qui fête cette année ses 54 ans, c'est la 55e édition. Il a vu le jour en mars 1964. C'est, on peut le dire, la vitrine du monde agricole, vous le dites depuis ce matin, Raphaël. Mmh. Vitrine ouverte sur le grand public. 86 000 visiteurs lors de la première édition, largement plus de 600 000 de nos jours, sans parler des téléspectateurs qui suivent l'événement, et puis de nos auditeurs de ce matin, Raphaël, bien sûr. Alors Franck, dites-moi, qui a eu l'idée de ce salon ? Alors il y a pas mal de personnes qui se disputent la paternité, mais disons qu'au début des années 60, c'est Edgar Pisani, qui à l'époque est ministre de l'Agriculture du général de Gaulle, qui incarne l'idée. Sauf que ce salon international n'est pas né de rien. Depuis 1925 avait lieu tous les ans, sauf pendant la guerre, une grande exposition nationale des animaux reproducteurs des races bovines, ovines, porcines, caprines et des chiens de berger. Donc un salon d'élevage si vous voulez. Les vins, fromages, produits, matériels divers ne sont venus se greffer que par la suite. Une exposition des vins de France existait tout de même depuis 1893. Alors à l'origine de tout cela, citons, c'est important, le Concours Général Agricole, le CGA comme on dit dans le métier, qui a été fondé à la toute fin du Second Empire, en février 1870, il y a donc près d'un siècle et demi. Pour bien faire, il faudrait même remonter encore un petit peu plus loin au Concours des animaux de boucherie de Poissy, qui a été créé en 1844, donc sous le règne de Louis-Philippe, pour ne rien dire de tous les comices agricoles dont l'origine remonte là cette fois avant la Révolution. En fait. Un mot peut-être de ces comices agricoles justement. Alors Louis XVI en avait donné l'impulsion juste avant 1789, mais c'est sous le règne de son frère Louis XVIII, donc après la Révolution, que les rencontres paysannes vont se généraliser sur le modèle de ce qui se fait alors en Angleterre. N'oubliez pas que tous ces princes avaient été exilés pendant longtemps en Angleterre, donc ils ont ramené les habitudes d'outre-Manche. Les sociétés d'agriculture, quant à elles, seront instituées en 1830. Là, Franck, on est à peu près complet. Oui. On vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, avec Bruno Fuligny pour évoquer le Panthéon et ses calmes pensionnaires. À tout à l'heure.